Chapitre 176. La recommandation pour le voyageur de rentrer chez lui de jour, le faire de nuit sans raison valable étant déconseillé. 985. D'après Jabir, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: lorsque l'un de vous s'est éloigné de chez lui une longue période, qu'il n'y revienne pas de nuit. Selon une autre version, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a interdit aux voyageurs de regagner sa famille de nuit. Al-Bukhari et Muslim. 986. Selon Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ne revenait pas chez lui de nuit, mais le matin ou le soir. Al-Bukhari et Muslim. 986.